Quelles furent bonnes ces vacances. Un peu courtes comme d'hab, mais gare à l'accoutumance. Sur la route du retour avec ma femme, de couper le voyage en deux, nous décidâmes. Bien, on va déjà faire 450 bornes. Nous serons près d'Orléans, bah tiens, pas très loin de chez Porn. Mais bon, on va pas le déranger. Enfin, je dirais en aparté, si j'avais connu sa femme avant, nous y serions allés. On va se trouver un chouette hôtel, ma belle. Un truc plutôt classieux, au diable l'avarice. Regarde chérie, comme la région est belle. Allez, on s'arrête là, direction Montargis. Ah finalement, Montargis c'est une ville. Moi qui croyais que c'était un petit village qui sentirait bon le Jean-Pierre Pernaut. Mais n'ayons pas de regrets, c'est inutile. Et puis regarde, regarde chérie, notre hôtel comme il est beau. Ah non, il est très moche en fait. Puis le réceptionniste, c'est vraiment une tête de nœud. D'un coup me vient l'envie de prendre la poudre des scampettes. Trop tard, ce bâtard a débité ma carte bleue. Sur les rives d'une jolie rivière, où des petits oiseaux chantonnent.